Alors, cette campagne, on attend quoi? Elle est motivée par le constat suivant. On a une société française qui témoigne de fortes fragilités dans le domaine du logement, avec 3,8 millions de mal logés, mais aussi plus largement une douzaine de millions de personnes qui sont, au-delà d'être mal logées, fragilisées par la crise du logement. Et puis, on a un taux de pauvreté, par exemple, très élevé, hein, qui concerne désormais 8,8 millions de personnes. Donc, on a une France qui souffre. Mais on pense qu'on a aussi une France qui a les capacités d'agir contre ces difficultés-là. Donc le principe de cette campagne, l'idée c'est de s'inviter dans la campagne des présidentielles, dans la campagne des législatives, c'est de dire regardons la France telle qu'elle est, les réalités des souffrances, souvent silencieuses, des difficultés que rencontrent nos concitoyens, mais regardons aussi la France telle qu'elle est à travers sa capacité d'agir. Capacité d'agir parce qu'il y a une forte mobilisation de citoyens, de mal logés, d'associations, d'élus dans certains territoires qui, chaque jour, tentent d'apporter des réponses et qui pourraient donner à voir comment on pourrait faire autrement. Et on pense qu'on peut faire autrement pour résoudre ce problème, mais que ça relève de choix politiques. Donc on essaye à travers cette campagne à la fois de montrer que ça marche, qu'il y a des choses qui se font, qu'on peut faire autrement. Montrer aussi la réalité du mal logement, d'où l'exposition, des portraits de mal logés pour montrer, faire sortir finalement l'invisibilité, ceux qui sont en souffrance, mais aussi donc montrer qu'on peut faire autrement via un livre, des films courts, ou partout en France, des gens se mobilisent pour agir contre le mal logement. Donc voilà, je crois que c'est le principe de cette campagne, et donc ce mot d'ordre qui est on attend quoi joue justement sur ces deux registres. On prend des exemples. On dit, voilà, l'espérance de vie en France, elle est de plus de 80 ans. On attend quoi pour faire qu'il n'y ait pas des gens qui meurent à la rue, parce que la moyenne d'âge des gens qui meurent à la rue, c'est 49 ans, si vous voulez. Donc, on met en parallèle ces deux dimensions. On dit, on a on fait partie des grandes entreprises du bâtiment qui ont une influence mondiale, une capacité d'intervention à l'échelle mondiale. On attend quoi pour construire les 500 000 logements dont on a besoin chaque année pour répondre aux besoins et à la pénurie? Donc, toute une série finalement de supports, de contenus qui visent à mobiliser largement. Et enfin, l'idée c'est de dire aussi, et c'est pour ça qu'on est parti un petit peu tôt dans cette campagne, dès début septembre, dès septembre, c'est pour dire, dans un premier temps, il faut qu'on mobilise nos concitoyens, tous ceux qui sont sensibles à cette cause, tous ceux qui veulent une autre France, tous ceux qui en ont peut-être marre aussi d'un certain nombre de débats qui font, bien sûr, qui sont importants dans la société, mais qui occupent tout l'espace politique, médiatique, public, et mettre à l'agenda cette question aussi des exclusions et du mal logement pour le moment venu, et comme en 2012, interpeller le politique, c'est-à-dire qu'on invitera les candidats à l'élection présidentielle, les principaux candidats, comme on l'avait fait en 2012, à venir partager avec nous nos propositions, cette mobilisation citoyenne, et les écouter aussi sur comment ils comptent faire pour inverser la tendance. Et on les invitera donc le 31 janvier, qui est la date de remise de notre rapport annuel sur le mal logement en France.